Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Verset 21 du chapitre 16 de Deutéronome. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en adhésion à l'Éternel ton Dieu. Dieu a formellement interdit les œuvres d'art. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui se dit chrétien, qui utilise ce livre, puisse aussitôt avec du sable, du ciment, se fabriquer une image qu'il va nommer Marie, qu'il va nommer Joseph, qu'il va nommer Jésus. Et ce même chrétien, soi-disant, va se mettre à genoux devant ses idoles. Vous vous rendez compte? Comment pouvez-vous croire que des soi-disant chrétiens évangéliques puissent avoir chez eux la photo de Jésus? Donnez-moi le nom de ce photographe-là, qui était là il y a 2000 ans sur Terre pour prendre la photo de Jésus. Et on trouve des photos de Jésus-Christ hein, dans les librairies chrétiennes. Je vous dis, sur le site internet, qui a pris Jésus en photo? Voyez l'agitation? Les yeux bleus, les longs cheveux, comme un Suédois, un Finlandais. C'est grave! L'idolâtrie, plein d'agitation. Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos d'infos Jésus. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible avec des longs cheveux, des cheveux blonds, aux yeux bleus, un Jésus suédois. C'est quand même grave, mes amis. Là. Hein? Ça, c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, les évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux. Hein? Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Prenez-moi toutes les photos de Jésus-Christ que vous avez là. Brûlez-les. La Bible déclare, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible nous renseigne que Marie, mère de Jésus-Christ, était à la chambre pour attendre le Saint-Esprit comme toutes les autres personnes. La Bible nous dit que Jésus-Christ, avec des petits frères qui étaient également là pour attendre ces bénédictions-là. Donc Marie n'est pas spéciale, les frères de Jésus ne sont pas spéciales. Il dit à la dimension catholique qui dit que Marie n'est pas non plus montée au ciel. Elle n'est pas montée au ciel jamais, c'est Jésus-Christ seul qui est monté au ciel. Elle a persévéré comme un chrétien normal. Absolument. Avec les autres. Absolument, absolument. Est-ce qu'il est possible d'avoir des chanteurs ou encore ces personnes qui sont possédées par des esprits impurs faire des musiques chrétiennes? La majorité des musiciens dits chrétiens sont possédés, puisqu'elle copie de là. Et si vous copiez de Satan, vous êtes possédé. Bon, effectivement, dans le cœur humain, se trouvent les ténèbres. Et cette voix-là ne se convertit que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ vient à toi, te le voile est ôté, tu découvres vraiment la boue dans laquelle tu te trouvais dans le monde. Donc, c'est pour cela que toute personne qui m'écoute maintenant, que ce soit président de la République, ministre, quoi que ce soit, gouverneur, délégué, qui que ce soit, sataniste, marabout, Dieu t'appelle à la repentance. À la repentance, parce qu'on doit lui rendre des comptes. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre programme radiophonique. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est sur la radio des Grands Défis, Dynamique FM, tous les jeudis. À partir de 21h, il sera question ce soir de poursuivre avec la représentation, les photos en milieu chrétien et même dans le monde. On l'a débuté la semaine dernière avec l'imagerie en milieu chrétien et donc la photo de Jésus-Christ et la représentation. Ce soir, ce n'est qu'une suite logique. Mais avant ça, on va essayer de faire un round-up avec le frère Junior qui est là ce soir avec nous. Bonsoir frère Junior. Bonsoir Eli, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Et bienvenue. Merci, merci encore ce la soir. La semaine dernière, vous avez éclairé au travers des Saintes Écritures de ce que l'image que l'on a de Jésus de nos jours oui. n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons étayé sur d'autres images également pour montrer que et Marie et Joseph et toutes ces icônes qui se trouvent au milieu de l'église aujourd'hui ne se trouvent pas confirmées dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu effectivement en allant dans l'Ancien Testament, ça c'est un briefing comme ça par rapport à la semaine dernière, nous avons vu particulièrement que Dieu avait interdit à Israël le fait de représenter une image taillée. Nous avons vu cela dans la Décalogue, ça se trouve dans Exode chapitre 20. Il a réitéré également ça dans le livre de Deutéronome au chapitre 4 de Deutéronome et chapitre 5 également. Nous avons vu que c'est une abomination et il faut que les gens puissent comprendre que la tangente, la concavité de la protection divine a changé de sens lorsqu'à tout moment où Israël s'est livré dans l'idolâtrie. Parce que Dieu ne tolère pas qu'on lui associe quelques personnes ou quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dans le livre d'Isaïe, il va dire dans Isaïe chapitre 45, verset 5, il dit « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » dont le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ne stolait pas qu'on lui associe quelqu'un. Je dis donc que la concavité de la protection divine a changé de sens lorsque Israël s'est détourné de Dieu pour aller à des hauts lieux, pour s'associer à Baal ou à toute autre divinité. Mm-hmm. À ce moment-là, Dieu a livré donc Israël au culte de la main céleste. Ce qui fait qu'Israël pouvait se mettre dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. Ah, donc, il faut qu'on comprenne effectivement l'importance du fait que nous abordons ce thème-ci pour pouvoir éviter aux gens d'être livrés par Dieu à la main des chiens également comme Israël. Ah, d'accord. Parce que souvenez-vous, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que l'œuvre, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il faut qu'on y entre vraiment ce soir aussi. Vous avez affirmé largement qu'il serait une abomination grave de pouvoir. Vous avez affirmé largement que c'est une abomination grave de pouvoir demander à une photo quand oui. on prie Dieu, oui. donc de mettre une photo devant soi, soi-disant pour représenter Jésus-Christ qui oui. est le Dieu véritable en image. Oui. Vous avez aussi pris des exemples de ce que Jésus-Christ est venu à une époque où il existait déjà les arts, les arts de peinture. Absolument. Et qu'il n'y avait aucune représentation de ceux qui sont passés avant lui. Absolument. Voilà. Merci Frère Junior pour tous ces développements. Et ce soir, on va aller un peu plus loin, donc peut-être pas forcément dans l'église, mais oui. dans la société, oui. Pour toucher les images des saints, oui. donc à savoir Saint-Pierre, oui. Saint-Joseph oui. et autres, oui. et aussi Marie. Et, oui. Donc on aimerait avoir l'éclairage au travers des Saintes Écritures. Oui. On va aussi toucher les images des stars de la chanson, oui. du football, de la politique et même des pasteurs et prophètes. Et des pasteurs, c'est là parce où nous attend. Parce que le constat se fait aujourd'hui, on a des chrétiens qui marchent avec le pasteur dans leur poche sur une image. Oui, sur des porte-monnaie, voilà. sur des cartes de visite, ainsi de suite. Sur des voitures. Même des t-shirts. Et même à la maison aussi. Absolument. On va aussi toucher les photos des grands-parents, arrière-grands-parents décédés, dont oui. on affiche à la maison. Absolument. Et même sur des tricots, c'est terrible. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue si vous venez de prendre l'émission en cours. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, sur Dynamique FM tous les jeudis. Dès 21h, les contacts pour avoir accès à l'émission par SMS uniquement avant la fin de l'émission sont les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Bienvenue à vous si vous venez de prendre l'émission en cours. Une chanson, on revient derrière pour la suite. Ton nom, Jésus, fortifie nos cœurs. Magnifique chanson pour entamer ce programme, mesdames, messieurs. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, il s'agit de l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis 21h sur la radio des Grands Défis 103.9. Les contacts pour avoir accès à l'émission par SMS sont les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, cette chanson elle est magnifique ou pas? C'est vraiment magnifique, ça concorde avec la parole d'Ésaïe chapitre 45 verset 5 que j'ai lu tout à l'heure, qu'il n'y en a point d'autre. La Bible déclare que l'acte chapitre 4 verset 12, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Je crois que ça concorde avec l'émission que nous, sommes en train de traiter aujourd'hui afin que les gens comprennent qu'il n'y a qu'un seul chemin pour arriver au Père, c'est par le nom du Seigneur Jésus Christ. Bienvenue à vous, c'est votre émission habituelle. C'est un programme qui aide donc le fichier audio est posté sur la chaîne Bambaïba. Donc oui. Vous pouvez aller télécharger sur internet, YouTube, ainsi que plein d'autres enseignements. Absolument. Et aussi Frère Junior sur... Et aussi le site www.reveille-toi-en-un-seul-mot.besaba.com. Besaba, c'est B-E-S-A-B-A. Oui. Bienvenue à ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Je rappelle avant tout que l'émission finit à 21h50 et donc envoyez-nous vos SMS pour poser soit des questions, soit témoigner d'intérêt. L'émission au 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Bonsoir en passant à tous les membres du groupe, que la crainte du Seigneur soit sur nous, sur le réseau social WhatsApp. Que le Seigneur les bénisse abondamment. À l'écoute de l'émission, merci à tous. Frère Junior, on embraye donc avec le sujet de ce soir. Oui. Et je rappelle avant tout que c'est la continuité de ce dont on a débuté la semaine dernière. Oui, j'aimerais bien toucher parce qu'il y a des gens qui nous écoutent maintenant à la maison, dans leur poste radio et dans sous tout autre média. Vous allez remarquer que vous entrez dans des taxis, dans des voitures, vous allez remarquer que certaines personnes ont accroché une certaine chose appelée le chapelet. Le chapelet sur leur voiture, d'autres ont cela carrément à leur cou, d'autres ont à leur main. Pour des jouets encore, ils attachent cela parce que ça porte bonheur. Mm-hmm. Il faut qu'on dise aux gens effectivement que c'est mauvais ces choses-là parce qu'en réalité, ils contactent des démons sans le savoir. Et des gens font du commerce derrière. Ça c'est pour ce qui est des chapelets. Or, pour ceux qui sont dans certaines dénominations qui prônent vraiment le culte de l'image, vous allez remarquer que les gens ont de hauts lieux, ce que la Bible appelle haut lieu, ils appellent ça sur l'autel chez eux où ils entrent pour contacter des divinités. Mm-hmm. Vous allez voir effectivement là, la statuette de Joseph, telle que vous avez mentionné au titre, la statuette des différents anges, et ils ont des prières pour invoquer ces différentes entités à des jours et à des heures spécifiques. Vous allez voir effectivement que je parle ceci parce qu'il y a des gens qui servent ces esprits-là consciemment et il y a des gens qui sont là-bas inconsciemment, qui sont entraînés à cause du fait par suite du suivisme de leur famille ou bien de l'imposition de la société parce qu'ils n'ont pas vu mieux, ils n'ont pas vu que la révélation se trouve dans les Écritures. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont nées dans ces domaines-là et continuent à perpétuer du culte familial sans se poser des questions. C'est pour tout cela donc, si quelqu'un se trouve en face avec lui maintenant, alors qu'il m'écoute maintenant, il a une photo de Jésus. Quel qu'en soit l'endroit où ça se positionne, dans sa maison ou bien dans sa voiture, dans son bureau, quel qu'en soit si son Facebook ou n'importe quoi sur son avatar qu'on a dit la dernière fois, si cette personne a le chapelet à la maison, à son cou, au chevet du lit qui brille chaque fois, qu'il sache qu'il est en contact permanent avec le démon, il ne sait pas Jésus. Quel qu'en soit le nombre de fois il aura invoqué Jésus-Christ, quel qu'en soit le nombre de fois il aura eu l'exaucement à sa prière, il en a servi le diable. Pour tous ceux qui ont des statuettes de Marie à la maison, les statuettes de Jésus et autres là-bas, j'aimerais vous faire lire aujourd'hui, nous allons commencer par la lecture comme ça parce que les Saintes Écritures doivent nous éclairer. Ésaïe au chapitre 44 à partir du verset 9, je vais lire doucement pour que les gens puissent écouter. Alors, à la maison. Ésaïe chapitre 44, le verset 9 dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. C'est Dieu qui dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Vous voyez effectivement, vous passez dans les carrefours, vous voyagez pour Kribi, particulièrement à Idéa, vous allez voir effectivement une grande statuette en Simalin, ça se trouve, où les gens viennent se révérer et se prosterner là-bas. Et vous voyez les gens qui sont tellement sérieux qu'à 5 heures, ils passent se prosterner devant une idole. Pourtant, ces personnes-là, beaucoup d'entre eux servent, cherchent Dieu de tout leur cœur. C'est le moment de leur dire maintenant qu'il faut qu'ils arrêtent cela parce que Dieu est fâché. Ils servent, ils cherchent Dieu, mais de la mauvaise façon. Voici comment Dieu a de leur indiquer ici pour appeler, rappeler à la repentance afin qu'ils se posent des questions pour être sauvés et pour servir le vrai Dieu. Mm-hmm. La Bible déclare ici, elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus. et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Verset 12, le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim, le voilà sans force. Ne boit-il pas l'eau, le voilà épuisé. Verset 13, le charpentier étend le cordon, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme. Souvenons-nous de Deutéronome chapitre 5 que nous avons lu, chapitre 4 que nous avons lu la dernière fois. Mm-hmm. On ne verra aucune figure d'homme. Le verset suivant dit, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. C'est terrible. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les désarbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi du feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une image, quoi, une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et s'est rassasi. Il se chauffe aussi et dit, ha ha, je m'échauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain avec sur les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se répète des cendres. Son cœur abusé, les gars, et il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas, du mensonge que j'ai dans ma main. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans ces versets? Dieu est en train d'attirer l'attention des êtres humains pour dire ceci. Vous avez du matériel à côté de vous. Ici, il a utilisé du bois, le fait que l'homme va chercher du bois. Mm-hmm. Avec une partie du bois, il se fait de la table ou sur lequel il va manger. Il fait avec l'autre des rotins en chaise. Avec l'autre, il prépare de la nourriture, c'est ce que Dieu est en train de dire. Et avec l'autre, il fait la sculpture et donne une peinture avec une belle figure d'homme. Il fabrique une croix avec Jésus dessus. Il se prosterne devant. La Bible déclare qu'il ne rentre pas en lui-même pour dire que ce bois, si c'est une partie que j'ai utilisée pour préparer, avec l'autre partie, j'ai utilisé pour manger, j'ai utilisé pour faire ma maison, et l'autre aussi, c'est mon Dieu. Mais c'est quand même curieux. Aujourd'hui, on pourrait dire également la même chose avec le ciment et avec de la peinture. Des autres personnes achètent de la peinture au marché, utilisent une peinture, une quantité pour mettre à la maison, pour peindre la maison et voir comment la peinture est bonne à la maison. Mm-hmm. Et avec l'autre ciment, ils font également une statue. Vous voyez, vous passez partout, on fait à la briqueterie. Vous voyez effectivement comment on fait de la briqueterie. On fait avec le même ciment, on fait un parpaing pour construire la maison. De l'autre côté, une portion pour faire une image taillée. Et cette image taillée, un peintre vient et il met la peinture, le reste des peintures de la maison. Et avec cette abomination, on va se prosterner. Je ne peux pas comprendre comment un être humain peut aller se prosterner devant du sable. Et la Bible déclare ici qu'ils n'ont ni œil ni oreille pour entendre. Et ce qui est curieux, c'est que s'il pleut, c'est eux qui protègent cette Dieu-là. C'est quand même curieux. S'il pleut quelque part, ils protègent cette Marie. Il pleut, de toute façon, il construit le tabernacle afin qu'il ne pleut pas sur elle. On la fixe avec des clous afin qu'il ne pleut pas. Comment tu peux aller invoquer, toi qui es vivant, tu as pris ta main, fabriqué une idole. Tu peux invoquer cette idole-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les gens partent en repentance. Chacun se fabrique à lui son Dieu. Son Dieu. Il va les adorer. Absolument. Vous entendez Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nous pauvres pécheurs. Et cette Mère de Marie, j'ai dit aujourd'hui, la dernière fois dans cette émission, que Marie est blanche. Ici, on peut. Enfin, c'est quand même terrible. Sur la couleur qui est sur la photo, c'est une femme qui est brune. Au Brésil, elle est rouge. En Inde, elle est noire. Finalement, Jésus a eu combien de mères? Posons-nous la question. En fait, Jésus, est-ce que la mère de Jésus-Christ est-elle devenue le ciment? Si c'est une colonne de feu, une colonne de statuettes, désormais, alors franchement, il y a quelque chose qui ne va pas avec les êtres humains. Comment se fait-il qu'ils peuvent passer du temps à 5 heures? Ils sont rigoureux. Et quand Dieu va demander qu'on se prosterne devant de lui comme ça, en changeant sa foi, ils ne le feront pas. Mais ils sont prêts à aller idolâtrer, à leur donner leur gloire à des divinités étrangères. Ce qu'ils veulent faire comprendre, c'est que derrière ces statues qu'ils adorent, où ils se prosternent, se trouvent dans les divinités étrangères. Cette femme appelée Marie n'est pas la Marie de la Bible qui est la mère du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est ce qu'on appelle la reine du ciel. C'est une démon terrible qui se trouve dans Jérémie au chapitre 7. Ça, c'est ce qui est de Jésus, de Marie. Pour ce qui est de Jésus, j'aimerais rappeler à tous ceux qui ont les chapelets. et toutes les autres personnes qui ont des croix avec une personne suspendue au-dessus, accrochée au mur. Voilà. Dans le mur. Dans les voitures. Absolument. En fait, ils croient peut-être que sur la base du fait que si tant que c'est dans la voiture, on est protégé. Et curieusement, vous allez voir quelqu'un avec cela dans sa voiture et la musique qui s'est en train de suivre, ce sont les musiques obscènes. Vous allez voir effectivement quelqu'un avec cela dans sa voiture, la personne qui est assise à sa droite, c'est la femme de quelqu'un qui est en train de draguer. Donc, vous voyez effectivement qu'il faut la repentance. Ils croient effectivement parce que l'être humain est superstitieux, croyant que ce sont avec les amulettes ou bien des protections, des gris-gris qu'on peut se protéger. Nous sommes toutefois beaucoup payés. Il y en a, quand vous parlez même des croix, il y en a qui sont des chanteurs. Oui. Et qui, dans leurs chansons, sont complètement obscènes et qui dépravent complètement la société. Effectivement. Pourtant, avec ces croix sur eux, voilà, dans les voitures aussi. Pour montrer que c'est quelque chose qui est leur appartenance. Souvenons-nous, la croix dont la Bible parle n'est pas cela. La Bible ne nous a pas donné, nous a pas demandé ni de faire le signe des croix, ni d'utiliser la croix sur quelque forme que ce soit dans les cultes. La croix a été servie, a été un signe de malédiction parce que notre malédiction est tombée sur le Seigneur Jésus-Christ afin que la vie revienne à nous. Mm-hmm. Donc il n'y a pas l'utilisation. Quand vous parlez de signe de malédiction, on pourrait se questionner donc si il est possible qu'on aille dans les Écritures pour que vous nous fassiez, fassiez une lecture du passage qui dit en fait que la croix était symbole de malédiction. Voilà. Mais, je rappelle que vous qui êtes à l'écoute, vous pouvez envoyer vos messages. Et bonsoir à maman Chantal qui nous envoie un message pour nous saluer. Disant que le Seigneur la bénisse. Écoute, voilà. Oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu celle-là. Que le Seigneur la bénisse, elle est toute sa maison. Envoyez donc vos messages au 671-34-54-14. 691-60-02-84. On est ensemble jusqu'à 21h50. Dans Galates chapitre 3, pour répondre à votre question, dans Galates chapitre 3, à partir du verset 13, la Bible déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est suspendu au bois ». Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir fait la purification du péché, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux et il intercède pour nous maintenant. Donc le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est mort sous Ponce Pilate, ressuscité, ne se trouve plus sur un bois pendu. Ça suppose que inconsciemment les gens sont en train d'invoquer la malédiction sans s'en rendre compte. Ah, d'accord. Parce que ce n'est pas celui qui est suspendu là-bas qu'il faut invoquer. Parce que la Bible déclare que de même que Christ est ressuscité de mort, la mort n'a plus de pouvoir sur vous, vous de même, armez-vous même de la même pensée. Ah, ça suppose que les chrétiens marchent en nouveauté de vie. Ça veut dire que c'est la vie de la résurrection qui coule sur les chrétiens. Donc nous voyons effectivement dans ces Galates chapitre 3, verset 13, que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et l'apôtre Paul explique ici ce qui est contenu dans Deutéronome chapitre 21, verset 53. En disant que, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, Christ était devenu malédiction. Pourquoi il s'est chargé de la malédiction? C'est la malédiction, les condamnations qui étaient destinées pour nous, qui s'est chargé. Ah, c'est à nous occuper. Il est allé donc l'exposer à la croix, crucifié. Il est donc mort pour nous, afin maintenant que nous soyons justice de Dieu. Donc, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas chez les gens. Donc, en fait, de toute façon, c'est qu'au sortir d'ici, il faut que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ de la Bible, donc qui a payé la rédemption qui est là. Parce que le but de Satan, c'est prendre quelque chose qui est proche des chrétiens et faire de temps en temps qu'on tombe dans l'idolâtrie. C'est toujours comme ça qu'il a toujours préservé, procédé en Israël. Il prenait toujours des choses, des signes de l'adoration israélienne pour pouvoir les pousser à l'idolâtrie. Donc, vous voyez effectivement que chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ va venir mourir à la croix et il n'y a aucune instruction par rapport à l'adoration de sa croix, ni du jour de sa naissance, ni le jour de la purification des péchés. Mais aujourd'hui, et les premiers apôtres à qui il a donné les instructions, qui nous ont donné les saintes écritures, n'ont pas fait cela. Mais à partir d'un certain moment, et vous avez relevé cela dans votre dans l'émission précédente, des gens ont commencé à faire des dessins pour pouvoir amener le saint. Et Will Durant démontre dans l'apogée du christianisme effectivement que l'église catholique, puisque c'était elle qui était la religion de l'État, au lieu de détruire les païens, comme nous voyons dans le livre de 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens en disant que on raconte notre sujet, comment quelle action nous avons vu, comment vous avez abandonné les dieux, quoi, les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous voyons effectivement qu'il y a une transformation, une décision claire, une séparation entre les idoles et le vrai Dieu. Parce que dans cet Esaïe 45, nous avons lu aujourd'hui, Dieu dit clairement qu'hors de lui, il n'y a point d'autre, il n'y a personne en dehors de lui. Et il ne donnera point sa gloire aux idoles. Donc Dieu ne collaborera pas avec celui qui sert les idoles. Donc parce qu'il est esprit. Donc l'apôtre Paul dit donc effectivement qu'il y a une séparation entre les Thessaloniciens avant d'embrasser Dieu. Or, Will Durant démontre dans l'apogée du christianisme, et si vous lisez les deux Babylones d'Alexandre et Hislop, nous voyons effectivement que l'église catholique, au lieu de transformer des gens, enfin, c'est la volonté de Dieu que ça arrive ainsi, mais il faut qu'on montre là où le vrai problème arrive. L'église catholique, dans sa mission de persécution par les Templiers et autres là, au lieu de faire transformer les gens, s'ils avaient la bonne intention d'amener l'évangile, ils ont plutôt, à chaque coutume païen, ils ont plutôt converti les reliques et les puits d'eau, que ce soit les reliques, les puits d'eau, les hauts lieux que les païens utilisaient. Ils ont christianisé. C'est-à-dire quoi christianiser? C'est-à-dire qu'un puits d'eau qui était initialement, par exemple, où on invoquait par exemple la sirène des eaux, il y vient en disant que maintenant c'est l'eau de Siloué. Sachant que l'eau de Siloué se trouve dans la Bible et ça va créer la confusion. C'est pour ça que vous allez entendre, tout à l'heure vous avez dans l'introduction, vous avez dit la statue de Saint-Pierre. Vous avez remarqué très bien que l'étymologie Saint-Pierre est donnée pour vous montrer l'importance qui s'attache à cette statuette. Or, le pierre qui est saint n'est pas celui qui est le pierre qui est saint n'est pas celui qui est mort. Non, parce que la Bible déclare que tous les chrétiens sont les saints. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ et le frère Sostène, aux frères qui sont à l'église qui est à Corinthe et à ceux qui sont sanctifiés, aux saints qui sont à Corinthe. Donc les saints, mais pour cette dénomination-là, c'est lorsque quelqu'un meurt qu'il devient saint. Par conséquent, il croit que cette personne-là est en train d'intercéder pour nous. C'est un mensonge terrible. On est saint sur la terre, c'est pas quand on meurt. C'est pour ça que vous allez voir, ils vont commencer à dire Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Michel, Saint Pierre et autres pour montrer l'importance, d'invoquer ces saints-là. C'est une abomination et c'est un mensonge diabolique. Voilà, frère Junior, vous avez même embrayé. En fait, le fait que vous dites de cela ce qui est relève du fait que non seulement Dieu n'a pas commandé, mais aussi que Dieu l'a interdit. Il l'a interdit. Et j'ai été encore dans cette émission que l'utilisation ou bien l'adoration, l'idolâtrie, c'est l'atteinte directe et la confrontation contre la face de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un adore sous une autre forme, sous quelque forme que ce soit, en utilisant les idoles, en fait, si on est païen, on est païen. On aura le traitement. Je m'adresse à ceux qui s'appellent chrétiens et qui utilisent les reliques pour pouvoir adorer, qui utilisent les images chez eux. Si quelqu'un m'écoute maintenant, vous allez voir, pendant la période de Noël, ils vont acheter une vieille photo d'un certain papa qu'on appelle Père Noël avec des arbres verts et ils vont croire qu'ils servent Jésus. Ils ne savent pas qu'ils sont en plein dans le paganisme. Donc il faut qu'on comprenne que les gens qui me suivent maintenant et qui croient qu'ils sont des chrétiens, qui vont à l'église dimanche comme ils le disent, qui sachent que s'ils utilisent et les chapelets, qui m'écoutent maintenant, qu'ils utilisent les eaux bénites avec les croix à la maison où ils aspergent, d'autres encore plus graves vont prendre ce qu'on appelle le rameau. Ils appellent ça le rameau. Remarquez très bien que ça se vend 50 francs, 100 francs devant les cathédrales. Donc c'est du commerce qu'on fait là-dedans. Et après qu'on dise que le prêtre est béni, on va installer ça chez nous. Ce sont des démons. Vous ne verrez pas une trace, aucune trace de rameau. On dit que c'est la fête des rameaux. Vous demandez dans la Bible où se trouve la fête des rameaux. Dans la Bible, ça ne se trouve nulle part. J'ai dit ceci parce qu'en réalité, les gens sont en train d'utiliser les écritures pour faire des commerces. Les gens sont en train d'utiliser ceci parce que Satan est derrière pour faire à ce qu'on l'adore. Vous voyez l'euphorisme qui caractérise toutes ces festivités. Vous posez la question, pourquoi pas cet engouement pour les gens à marcher dans les sanctifications? Pourquoi les gens vont s'habiller avec les saints dehors, aller prendre l'eau bénite? Pourquoi les gens vont porter la croix, les femmes, comme vous avez signalé tout à l'heure, dans les musiques obscènes mondaines, vous voyez effectivement comment les femmes dansent nues avec ces croix-là. Et des gens qui ont fait des tatouages, d'autres ont même fait des tatouages de cette même croix-là sur eux. Pourquoi seulement ces croix? Parce qu'ils savent que c'est la malédiction. Donc tous ceux qui servent avec ces instruments sont sous le coup de la malédiction. On va donc embrayer tout de suite. Je rappelle à vous qui êtes à l'écoute qu'il faut faire parvenir vos messages pour qu'ils soient lus avant la fin de l'émission qui ira jusqu'à 21h50 au 6 71 34 54 14. 6 91 60 02 84. Frère Junior, puisque vous êtes là, on va donc en profiter pour avoir de l'éclairage ou de la lumière au travers des Saintes Écritures sur les photos des stars de la chanson, du football, de la politique et même des pasteurs et prophètes, parce qu'on a, en fait, le constat, c'est visible par tout le monde. On a des gens qui ont, soit sur leur t-shirt, des photos des stars, soit disant leurs stars qu'ils adorent, c'est-à-dire qu'ils emploient le plus souvent le mot adorer. Et en fait, ils utilisent que ce sont les idoles. On voulait donc avoir un éclairage plus clair, parce qu'il y en a aussi qui ont des photos des stars de la chanson sur des cahiers des enfants à l'école. Absolument. Des sacs de classe des enfants aussi. Absolument. Même sur les voitures, les pare-brise des voitures. Absolument. Les porte-monnaies. Donc on voudrait donc que vous nous fassiez comprendre si ou non cela court un grave danger donc au travers des Saintes Écritures. Voilà, je vais passer au nettoyage avec le savon, vraiment le nettoyage de la parole. Je vais aller sur deux volets, le volet chrétien et le volet non chrétien. Et pour le volet non chrétien, je vais d'abord dire ceci: le porc, je n'interdirai jamais au porc d'aller se vautrer dans la boue, parce que c'est sa nature. Donc pour un mondain, de suivre des Champions League et tous les autres coupes du monde, en se vautrant avec les posters, vous allez dans chez un mondain, vous allez voir effectivement que un non-chrétien, vous allez voir effectivement qu'il a des posters obscènes au mur, avec des saints, il n'y a qu'à passer dans toutes les maisons, vous allez voir cela. Et même les chaînes qu'il passe du temps à voir, pour pouvoir nourrir leur esprit. Mais c'est ce qu'il veut dire. Du côté chrétien, les choses ne sont pas identiques. Mais le vrai problème se situe au niveau du fait que l'Église se trouve mixée dans la société. Mais le Seigneur Jésus-Christ a donné un avertissement solennel. Il dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Donc le monde a posé ses principes. Ces principes, c'est la stamania, c'est l'égocentrisme, c'est se montrer soi-même, c'est s'élever. Parce qu'en réalité, les photos des... On les appelle les stars. Stars, ça veut dire étoiles, pour montrer qu'ils brillent, qu'ils sont élevés. C'est pour ça qu'on les considère. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus être n'importe comment. Ils ne peuvent plus saluer quelqu'un n'importe comment. On les appelle aussi quelque part des idoles. Les idoles, effectivement. Non, mon idole est autre. Mon idole, c'est telle personne. Et on ne voit pas, effectivement, quand on vient de dire clairement qu'on a rejeté Dieu. Mais je dis ceci, pour le monde, c'est normal. Parce que vous ne pouvez pas changer la nature du porc. Mais je dis ceux qui sont parmi les chrétiens. Qui abhorrent, ça veut dire qu'ils sont limités exactement le monde. Et la Bible déclare n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Lorsqu'on dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, les gens vont dire vous avez du portable, n'utilisez plus parce que c'est le monde qui le fait. Ce n'est pas comme ça. Tous les matériaux qui sont dans le monde, c'est pour le Seigneur Jésus. Mais lorsque le monde commence à utiliser ces choses pour corrompre la société, pour corrompre et attirer les gens vers du côté satanique, Dieu dit comme ça qu'on n'utilise pas cette voie, qu'on n'utilise pas cette voie-là et qu'on ne fait pas ces choses-là. C'est pour cela que le chrétien peut utiliser le portable, pas de la même façon comme les mondains utilisent le portable. Alors maintenant, le chrétien peut s'habiller en portant un tissu vraiment décent sur lui. Mais maintenant, le mondain n'est pas tenu de le faire parce qu'ils vont aller effectivement couper les parties du nombril, couper les parties du dos, ils appellent VCD. Est-ce que vous comprenez? Mais le chrétien va utiliser le même tissu, mais qui se couvrira. Ce n'est pas le fait que c'est le tissu, non. C'est le fait, la manière d'utiliser le tissu. C'est parce que le Seigneur parle de ce renouvellement de l'intelligence. J'aimerais donc, dans ce cas, frère, lisons à Éphésiens chapitre 4. Alors, frère Junior, je rappelle que vous pouvez envoyer vos messages pour soit poser des questions ou témoigner d'intérêt cette émission au travers de laquelle chacun et chacune sont éclairés tous les jeudis à partir de 21h par l'autruchement du frère Junior qui nous fait l'honneur tous les jeudis soirs. Il est donc question de faire parvenir ces messages au 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Bonsoir et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre à l'instant, frère Junior. Allez-y. Dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17, c'est terrible et c'est frappant et c'est révélateur ces versets. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. L'apôtre, vous voyez effectivement que cette terminologie, il dit dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il se concerne, il ne concerne pas, ça ne concerne pas le monde. Il dit c'est dans le Seigneur. Voici ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus. C'est un commandement. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que les gens qui veulent suivre Jésus-Christ comprennent que ça les concerne. Qui vient du verbe devoir. C'est le verbe devoir. Qui veut dire obligation à. C'est une obligation. Voilà. Donc, j'ai dit ceci, je m'arrête ici pour que les gens comprennent que ce qui vient par la suite, ce n'est pas discutable. Ce n'est pas facultatif. Si quelqu'un, ou bien tu es chrétien, ou bien tu n'es pas. La poule est poule, elle ne peut pas imiter le canard. Si vous êtes poule, vous êtes poule. Si vous êtes canard, vous êtes canard. Maintenant, la Bible déclare, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez, donc ce qui est manifeste à l'extérieur, tant que nous parlons de la stamania, des photos, des publications que nous avons dans les banderoles et autres, dans les posters, des musiciens et autres là, sur les jaquettes et des autres là, nous voyons effectivement que c'est l'expression de leur pensée. C'est l'expression de leur pensée qui est manifeste là-bas afin qu'on puisse voir effectivement ce qui était en eux. Mais la Bible déclare ici que les chrétiens, eux, pour ceux qui sont dans le Seigneur, ne doivent plus marcher, ne doivent plus marcher comme les païens. Comment marchent les païens? C'est de l'extravagance, c'est du matu vu. C'est on les appelle maintenant que ce sont eux qui sont en haut. Ce sont eux qui sont en haut. Donc en fait, parce que en réalité, on veut présenter l'ego. C'est l'ego. Or, la Bible déclare que la voie pour être en haut pour Dieu, c'est rabaisser. Vous ne verrez personne, effectivement, dans la Bible, s'est présenté ainsi et Dieu l'a élevé. Jamais. C'est la voie pour être élevé par Dieu, c'est en bas. Or, dans le monde, c'est tout le contraire. Il faut viser haut, il faut monter haut. Et c'est ce que certains prédicateurs prêchent aujourd'hui. Donc, l'apôtre Paul dit ici par le Saint-Esprit, il dit que ce que je vous déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez effectivement que ça veut dire que les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, ils n'ont rien à apprendre à l'église. Mais ce qui est curieux, c'est que les membres de l'église aujourd'hui, puisque vous parlez des chanteurs dits chrétiens, vont copier le hip-hop là-bas, vont copier le rap là-bas et disent qu'on va mettre les paroles dits chrétiens là-bas. Mais dès le départ, c'est inspiré de leur père. Donc, le rythme qui est joué, c'est le rythme satanique. Donc, il n'y a pas de syncrétisme au milieu chrétien. La chose doit être pure. La chose doit être pure. Si ça vient de Dieu, ça va être inspiré par le Saint-Esprit. C'est comme si on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de Saint-Esprit, tel enseigne qu'on a besoin de l'inspiration quelque part pour venir servir Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on le loue. C'est pour ça que dans ces cantiques-là, les Juifs vont dire comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère? Nous ne pouvons pas chanter les cantiques de l'étranger parce que ce n'est pas digne. Il n'est pas digne de Dieu qu'on chante ces cantiques dans les terres étrangères. Dans ce verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie parlant des païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, donc la Bible nous présente ici que, en réalité, les mondains n'ont aucune inspiration qui vient de Dieu. Mm-hmm. Donc, en réalité, donc, aucun chrétien ne pourrait... Donc, quelles qu'en soient les magnificences de toute la mondanité que nous pouvons voir au milieu chrétien, la Bible nous dit ici effectivement qu'ils ont le cœur endurci à cause de l'ignorance qui est en eux. Ça suppose que les chrétiens qui passent leur temps à vivre quoi, les grands footballeurs, suivre les foot, les revues de presse, ainsi de suite, les 24 chronos, El Diablo, qui, Love Story, c'était Marima, j'ai brûlé ma mamie, Mamie Nyanga, ainsi de suite, toutes les autres séries. Tout cela, c'est une inspiration diabolique parce que c'est dans l'ignorance. Parce qu'en réalité, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Ça touche au divertissement, en fait. Absolument. Nous parlons là des divertissements parce que c'est dans ces divertissements que les gens, chacun veut se présenter pour montrer sa personnalité. Et la majorité, sinon, la totalité de ces artistes de divertissement sont coordonnés par les esprits. Nous avons ici le cas des grands chanteurs du monde, Jay-Z, Beyoncé et autres là-bas, qui parlent effectivement, Elvis Presley et tous les autres, qui confirment effectivement qu'à un moment donné, ils n'ont plus le contrôle sur le corps. C'est une entité qui entre dans leur vie. Doit dans le corps pour certains chanter, pour l'autre tenir à la guitare, pour l'autre taper à la base. Et d'autres confirment même qu'il suffit d'entrer dans sa salle et il fait certaines concentrations, il dépose la plume et les chansons viennent. D'où est-ce que ça vient? Dans le monde parallèle, dans le monde des ténèbres. Donc il faut qu'on fasse attention, on ne doit pas imiter les païens. Donc pour dire en clair ceci, c'est que les posters des divertissements sont des publicités pour inciter des gens à se soumettre à la loi de l'homme, hein, et à l'ego de l'homme et à l'égocentrisme de l'homme. Nous ne devons pas nous soumettre à la loi de l'idolâtrie, parce que toute personne qui vise à se présenter rejette Jésus-Christ. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre j'espère que je ne vais pas vite ce soir-ci. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 4, chapitre 4, le verset 5, la Bible déclare dans ces 2 Corinthiens que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Mm-hmm. Donc il n'y a aucune personne, je touche là du cas des prédicateurs qui essaient de se présenter, vous avez avec des images et autres. Voilà, en fait, pour le cas des prédicateurs, c'est encore plus grossier parce que c'est ici qu'il faut qu'on frappe Dieu. On a des gens qui, à l'entrée de leur maison, ont mis la photo de leur prédicateur. Grave encore, dans leur dénomination, vous entrez dans leur dénomination, c'est la photo du papa pasteur et maman pasteur qui est clairement au mur. Vous voyez, en gros titre. Ils ont fabriqué des autocollants. Des autocollants pour cela. Ils vendent, voilà. Absolument. Et qui vendent. Ils font tout et tout pour que l'argent entre. D'autres encore, dans des grands carrefours, vous allez voir effectivement un homme vraiment bien nanti, bien habillé, raffiné, avec des montres de grand prix, dont je ne citerai pas le nom ici pour ne pas faire de la publicité. Et cette personne se présente comme étant des serviteurs de Dieu. Des images magnétisées pour attirer les gens à la foule, pour attirer la foule à eux. Donc cette image, au fur et à mesure que vous regardez, est imprégnée dans votre esprit, vous commencez à voir des révélations parce que ce sont des images travaillées. Ceux du côté de Satan, en fait, nous avons vu le cas de ce grand sage, Salomon, dans une émission, nous avons vu effectivement qu'il magnétise la Bible. Le grand maître Salomon de la Côte d'Ivoire. Qui avait des images magnétisées. Donc, il dit, dans cette émission, vous vous souvenez, vous avez parlé de la Bible magnétisée. Vous voyez effectivement, donc, on magnétise l'image. Les politiciens savent de quoi ils sont de parler parce que les grands politiciens du monde utilisent ce magnétisme-là pour pouvoir attirer la foule à eux. Lorsque l'image est projetée, toute conscience humaine qui est faible commence à accepter cette personne sans savoir pourquoi elle est en train d'accepter. Ça se trouve en milieu chrétien. C'est pour cela donc que ces pasteurs mettent leurs images dans les carrefours. Puisque le temps tient la gorge, les images des pasteurs dans des carrefours, oui, les images des pasteurs et prophètes ou encore des soi-disant hommes de Dieu sur des autocollants, sur des porte-monnaies, c'est une abomination. À l'entrée de la maison, c'est une abomination. Est-ce une aberration excessive? C'est une abomination. C'est une abomination parce que c'est leur publicité. Vous allez voir effectivement que le but, c'est leur présenter. C'est pour ça qu'il ne peut pas être n'importe comment. Quand ils vont passer, le fait que vous avez déjà vu une image de ces personnes, vous ne pouvez pas les approcher n'importe comment. Ils ont des bureaux climatisés, où ils accueillent des gens. Ils accueillent des gens dans des bureaux climatisés, un peu comme ferait l'apôtre Paul. Je me poserai des questions dans ces cas-là. Est-ce que l'apôtre Paul, c'est quoi, recevrait les gens dans un bureau? La Bible déclare dans ce 2 Corinthiens chapitre 4 qu'il est habitué à la souffrance. 5 fois, il a reçu des juifs, 40 ou moins 1. Les apôtres d'aujourd'hui, ils sont bien raffinés. Ils sont bien raffinés et c'est seulement eux qui ne peuvent pas vivre dans la pauvreté. Donc, au 21e siècle, Dieu a subitement suscité des hommes de Dieu qui ne souffrent plus. Frère Junior, très rapidement avec les hommes, il avait été question des hommes politiques. Donc, on constate aussi des photos et images qui sont adorées et vénérées tant bien quand ils sont vivants que quand ils sont morts. Absolument. Nous avons le cas de Mobutu, l'ancien président sur le plan Zaïre. Pour ce cas, nous voyons effectivement comment des journaux télévisés commençaient et puis on voit effectivement son image. l'image, c'est le ministre de l'information qui avait utilisé cette géniale idée, que l'image sortait depuis le ciel pour venir devant l'écran et se pointer à l'horizon. Il était là, c'est que ça a imprégné. Vous avez cette euphorie encore une fois de plus que toute la République zaïroise a eu derrière cet homme. Mais regardez comment était sa chute. Donc toute personne qui ne sait pas Jésus-Christ ira dans les ténèbres, et quelle qu'en soit la gloire que cette personne aura dans le monde entier, quel qu'en soit le succès, la dégringolade sera terrible, parce que lorsque la concavité se tourne vers le bas, la dérivée est négative. Réginald, maintenant, pour conclure, avec la dernière question, c'est vrai qu'il y a des messages qui comportent des questions dont vous donnerez réponse un peu très rapidement. Oui. Maintenant, en ce qui concerne, parce qu'on va souvent chez les gens, oui, au mur de leur maison, ils, oui, ont poster des photos de leurs parents, oui, grands-parents, ou même une personne qui est décédée, voilà, il y a longtemps. Voilà. Maintenant, est-ce que bibliquement c'est recommandé ou non, sinon? Bon, maintenant, pour le cadre chrétien, encore, je m'en tiens là. Pour ceux qui sont dans le monde, ils peuvent continuer à aller boire même de matango au deuil. Mais je vais dire ici, pour les chrétiens, la Bible déclare qu'on ne doit pas s'adresser aux morts ni aux esprits de mort. Vous allez voir effectivement que les photos sont là, c'est même pour faire les souvenirs. Ils vont dire que c'est pour le souvenir des grands-pères. Grave encore, avec les photos à la maison, vous allez voir effectivement, après, dans les funérailles, lors des funérailles, les gens abordent et les t-shirts avec cette tablette là-dessus, que ton âme repose en paix, papa. Après 8 ans, 9 ans, il y a des foulards par rapport à ça, les habits par rapport au deuil là, parce qu'on de tout, et on dit qu'à jamais ton nom restera, tu seras toujours gravé dans notre mémoire. C'est diabolique, et c'est pour cela que vous allez voir effectivement que plusieurs de ces personnes là vont toujours voir les morts revenir dans les songes. Il faut que les chrétiens s'en séparent. Lorsque quelqu'un meurt, c'est terminé, sa course est terminée sur la terre. Il n'y a rien à faire avec sa photo. Étant vivant, est-ce qu'il est possible qu'on prenne la photo d'un parent qui peut-être se retrouve à l'autre bout de la ville ou de la région, oui, pour mettre chez soi, pour pouvoir contacter. Donc, donc en mettant sa photo à la maison, c'est de la sorcellerie là-bas. Donc ça veut dire que c'est la translation arcière qu'on a dû utiliser. À quoi servirait la photo de ton père à côté de toi alors que ton père est vivant? Et pour nous même alors? Et bien, pour nous, c'est une autre paire de manches, parce que nous allons revenir en profondeur par rapport à notre orgueil. Quelques secondes, dans le maintenant. Ça veut dire ceci, par rapport à notre photo, voici ce que je vais dire. Toute personne qui veut s'élever, c'est ce que la Bible déclare, que quiconque veut s'élever sera rabaissé. À quoi servent nos photos? Pourquoi nous voulons nous photographier? Est-ce à se dire que nous voulons nous présenter? Est-ce que nous voulons voir notre beauté? Qu'est-ce que nous voulons présenter? Voulons nous rendre grâce à Dieu, parce que quand le psalmiste s'est regardé dans le miroir, il a dit que j'étais lourd de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Il ne peut pas avoir dit cela sans voir son image. Et la Bible parle de l'homme qui voit son image dans un miroir. Donc quand nous contemplons notre image, pourquoi est-ce que cette image est faite? Parce que vous allez voir effectivement, une personne, pour les femmes particulièrement, elle se filme parce qu'elle veut voir la coupe des cheveux pour garder cela. D'autres se filment pour voir ce style d'habit parce qu'on leur a dit qu'elles sont belles. À ce moment, à cette cause, il faut qu'on se filme. C'est de l'orgueil. Ça, c'est du péché. Donc c'est pas normal. C'est pas normal, effectivement. En gros, aucune image. Aucune image, c'est ce que la Bible déclare. Merci de nous faire confiance tous les jeudis à partir de 21h à ce programme, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Billy, ça fait 21h. Billy, ça fait 50 minutes là. Non, c'est pas encore fini. Ah, on a des questions. Dieu merci. Donc vous allez donner les réponses. Je voulais tout simplement souhaiter bonsoir à ceux qui viennent de prendre l'émission à court. Ok. Et aussi passer un petit bonsoir à tous les membres du groupe que, oui, la crainte du Seigneur soit sur nous. Oui. Sur le réseau social WhatsApp. Que le Seigneur les bénisse effectivement. Bonsoir, s'il vous plaît. Un homme peut-il violer sa femme? C'est Joseph de PK14. En fait, dans le cadre du droit, il n'est pas question de viol dans le couple. Si c'est sa femme, il ne peut pas violer parce que c'est sa femme. Parce que c'est ce que le droit dit. Maintenant, par rapport à la Bible, vous pouvez dire que ce n'était pas du viol. En fait, comment se fait-il que l'homme va arriver à violer sa femme? Je ne peux pas comprendre. C'est quand même incompréhensible. Mm-hmm. En fait, parce que la Bible nous déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7 que l'homme l'homme n'a pas autorité sur son corps, c'est son mari. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ce que ça veut dire que la personne veut parler du forcé? Ça veut dire que peut-être c'est sûr qu'on lui a refusé un peu de l'argent du marché, et puis elle a fait le tour de, comme on le dit, et par la suite le mari a utilisé la violence pour avoir ce qui lui est de droit. C'est pour ça que c'est l'occasion de dire aux femmes et de dire aussi aux hommes que lorsque ton mari demande son repas, vous devez lui donner son repas. La Bible déclare que c'est un commun accord, et lorsqu'il y a un commun accord, c'est pour vaquer à la prière. Donc aucune personne, que l'homme n'a pas l'autorité sur son corps, la femme n'a pas l'autorité sur son corps. Il ne faut pas que ça se trouve au milieu chrétien ici. Donner ce qui est dû au mari, mari donner à la femme, et si, ce qui est dû. Et si la femme refuse et que l'homme le force? La femme n'a pas le droit de dire, si elle refuse, c'est une insoumission. C'est ce que la Bible déclare. La Bible, on dit la femme n'a pas l'autorité sur son corps, c'est son mari. C'est pour ça qu'on dit que mari rendait à la femme ce qui lui vous est dû. C'est ce que l'apôtre Paul utilise dans ce langage de 1 Corinthiens chapitre 7. Donc normalement, c'est une harmonie que ça devrait être là-bas maintenant. Ah, si la femme arrive à en refuser, il y a un autre problème qui a causé ces refus-là. Il faut regarder par là. Ah d'accord. Salut frère, est-ce une abomination de prier pour le repos des âmes des morts? Et c'est voilà l'une des choses dont on est en train de citer aujourd'hui. Donc vous voyez effectivement ces cultes des reliques conduit effectivement cela. Il y a un mercredi où on fait par exemple mercredi des cendres où les gens partent prier pour les morts. il y a le mercredi de novembre, fest novembre, le 1er novembre, le culte des morts, ainsi de suite. C'est une abomination parce qu'en réalité, vous ne devez pas prier pour un mort. La Bible déclare qu'un vivant ne peut pas intercéder pour un mort. Parce que lorsque dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si vous avez une personne qui meurt, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. J'entends généralement ce langage, que son âme repose en paix. Si la paix a été en paix avec le Seigneur, il ne sera jamais en paix. Sa place est en enfer. Donc, c'est langage qui est censé disparaître. Ça doit disparaître parce qu'en réalité, ce que tu es sur la terre, si tu meurs étant dans cet état, c'est cet état que tu seras devant Dieu. Donc voilà, on a plusieurs autres messages. Donc la lecture n'est pas commode pour l'antenne Frère Junior. J'aimerais qu'on s'attarde encore un petit peu sur les morts. Oui. On a une religion dans le monde, beaucoup plus du côté occidental, qui demande à ce qu'on se baptise pour les morts. Oui. On voudrait être éclairé là-dessus. En fait, cette religion particulièrement, si que je vais dire sa source, ou bien cette terminologie qui s'assoit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous me permettez, je vais donc d'abord lire effectivement. Allons-y, Frère Junior. 1 Corinthiens, permettez-moi de trouver auditeur à la maison et auditeur bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 pour les SMS avant la fin de l'émission. Plus que 4-5 minutes à passer ensemble, Frère Junior, allez-y. Voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible déclare ici à partir du verset 12 que oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts, c'est là, si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans votre péché. Et par conséquent, vous êtes aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Maintenant, dans ce 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul André voulait présenter la résurrection des morts, l'authenticité du message chrétien, de la terminologie ressuscité des morts, Christ est ressuscité des morts, pour montrer que la certitude de notre espérance est reposée sur la résurrection des morts. Maintenant, après, il va expliquer, je vais aller rapidement, après, il va expliquer que si donc Christ n'est pas ressuscité, dans ce cas, pourquoi des gens se font baptiser pour les morts? C'est cette terminologie qui a été étudiée, que les gens croient peut-être effectivement qu'il faut se faire baptiser pour les morts. Il va effectivement dire en réalité que le fait que, en fait, il en dépense là dans le monde pour montrer qu'il y a des gens qui pratiquent ce culte là et le témoignage de ce culte avait par là dit qu'il croit qu'il y a une résurrection entre les morts. C'est ce que l'apôtre pouvait expliquer. Il n'est pas en train d'entériner ou bien d'accepter cette pratique. Il veut prendre cette pratique pour lui montrer que le simple fait que ce groupe là essaie de baptiser par exemple, voici comment donc, ça se passe. Ils utilisent en fait ce qui est dans leur conscience, dans leur conscience pour pouvoir leur montrer que même dans votre conscience c'est indiqué qu'il y a la résurrection. C'est ça qu'il est question. Donc il n'est nulle part écrit dans la Bible qu'on doit se baptiser pour le mort. Se baptiser pour le mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple votre père est mort et qu'il n'a pas reçu le baptême, vous allez à l'église pour vous baptiser pour lui, pour le mort. C'est anti-scripturel, ce sont des doctrines démoniaques. Ah d'accord, fait, il n'y en a plus que 2 minutes, donc plusieurs mots de fin avant qu'on parte. J'aimerais donc dire à tous ceux qui m'écoutent maintenant, que ce soit prêtre, évêque, archevêque, pape, prophète et autres, toute personne qui utilise les bagues où il y a les inscriptions, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Des bagues où il y a les inscriptions, des hiéroglyphes qui sont sortis de l'Égypte et des Indes. Toute personne qui adore, d'autres personnes ont les images vraiment travaillées et donc à l'intérieur de ces images-là, il y a un autre esprit qui a été incrusté derrière les images. Ils mettent cela dans leur dénomination pour pouvoir hypnotiser les gens qui vont venir afin que tout commandement qu'il va donner par rapport à la dénomination, on commence à jurer par lui. C'est pour ça que vous allez commencer à comprendre effectivement que quand vous dites n'importe quoi à ces croyants, ils vont dire que non, mon pasteur a dit telle chose. Il ne parle pas selon les Écritures. J'aimerais dire à tous ceux dont là maintenant que Jésus-Christ va bientôt faire sa scène en son entrée dans ce monde-ci et il va vous livrer tous en spectacle. Répentez-vous. Et toute personne qui ne font que suivre les hommes sans suivre les Écritures et qui suivent dans l'idolâtrie. Je parle particulièrement pour ceux qui marchent chaque fois en portant les croix en disant que je suis dans les chemins de croix et que d'autres qui portent leur croix en disant que Jésus-Christ a demandé de porter sa croix. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a pas demandé que les gens portent les croix au cou. Non. Il a parlé des difficultés qu'il y a à suivre sa voie comme lui l'a suivi son propre chemin en subissant les difficultés. Donc il faut que vous compreniez, vous tous qui avez les croix à la maison, vous tous qui avez les images de Marie, vous tous qui avez les images de Jésus-Christ partout où vous avez mis cela, vous êtes dans l'égarement évident. Vous êtes dans l'égarement, il faut que vous vous repentiez en comprenant que Dieu n'a pas besoin de matériel pour qu'on lui associe. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. En brûlant toutes ces choses. Il faut qu'on brûle effectivement comme dans Actes chapitre 19, verset 13. Frère, je vous remercie de votre participation, de votre présence en fait ce soir. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes de ces radios. Merci à tous et à chacun, soyez bénis. Le rendez-vous est pris pour jeudi prochain, 21h, pour un autre programme de ce magnifique programme qui nous édifie tous ensemble tous les jeudis dès 21h sur Dynamic FM. Soyez tous bénis, restez à l'écoute. Je suis Billy Cola. Élise Etondé a assuré la partie technique de ce programme. Sois sur nous, que la crème de Dieu, que la crème de l'éternel.